Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers, en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Roberval et fier commanditaire de la chronique de l'instructeur-chef, Patrice Gagnon. C'est la chronique des Sabres de Roberval avec l'instructeur-chef Guillaume Gay, commandité par Autobus Véro de Saint-Félicien. Salut Guillaume! Salut Danny! Guillaume, ça va bien, ça va même très bien pour les Sabres de Roberval. Deux belles victoires en fin de semaine. Et je pense que, je me trompe pas, c'est une des premières victoires contre la formation des Éperviers Normandais en fin de semaine. Est-ce que je me trompe de l'histoire, là? Cette année, oui, mais l'année passée, on a eu deux victoires aussi contre les Éperviers. Ah, OK, parce que c'était, me semblait que c'était pas... vous les aviez pas battus souvent? Non, effectivement. OK. Donc, ça a commencé vendredi soir par une belle victoire. Oui, une belle victoire de 3-0, je dirais. On a joué un match quasiment sans faille, là. Défensivement, offensivement, le gardien de but était très solide aussi. Crédit revient aux joueurs, c'est sûr. Belle victoire contre la première défaite aussi des Éperviers, là. C'est sûr que c'est toujours plaisant. Ben oui. Donc, donc dans ce match-là contre les Éperviers, qu'est-ce qui a fait la différence dans la rencontre? C'est vraiment vraiment défensive, là, les gars ont vraiment travaillé fort sur le repli défensif et dans notre zone également. Okay. Puis notre gardien a été excellent, Francis Dufour, là, qui a bloqué toutes les attaques des Éperviers. OK. Donc, donc dans ce match-là, à noter que je vais aller chercher les pointeurs dans quelques secondes. Il doit y avoir plus de monde un peu à Roberval avec la saison comme ça que ça va mieux, là. Oui, c'est sûr que match en match, là, il y a de plus en plus de spectateurs. Comparativement aux années passées, c'est très bon, là. L'organisation est très contente aussi, là. Les partisans suivent les Sabres et la page aussi, la page Facebook fait un bon travail là, avec des invitations, avec tous les matchs à domicile qu'on joue et même les matchs à l'extérieur, là, fait suivre les partisans aussi là, avec les résultats de période en période. C'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça aide, oui. OK, donc deux buts de Simon-David Fortin dans la rencontre et également deux passes pour Antoine Niquette. Et dans l'autre match, cette fois, ça s'est déroulé encore une fois, c'est dimanche soir, les Éperviers de Normandais qui ont, en fait, vous jouez rien qu'un match? Non, on a joué dimanche. Oui, vous avez joué deux matchs, contre les Saguenay, où vous avez gagné 7-6, effectivement. Donc 7-6 dans cette partie-là. Oui, en progression. On a mal commencé le match là, avec beaucoup de discipline. On perdait 3-1 après une période. Ensuite, on a mis les choses au clair un petit peu entre la première et la deuxième. Puis les gars ont bien répondu. On a marqué 3 buts en deuxième pour prendre l'avance 4-3. Okay. Ensuite, en début de troisième, on a marqué un autre filet pour faire 5-3. Les Saguenayens sont revenus en avantage numérique pour faire 5-5. On a repris l'avance en avantage numérique également pour faire 6-5. Et les Sags ont profité d'un avantage numérique dans la dernière minute de jeu pour égaler la marque 6-6. Puis Simon-David Fortin a scellé l'issue du match avec un très beau but en prolongation pour nous donner la victoire. Donc, c'est une belle victoire à l'étranger. 2 buts, 2 passes pour Simon-David Fortin. 1 but pour Vincent Blackburn, 1 but également pour Félix Bouchard et Antoine Niquette. Donc, maintenant, prochain match qui va avoir lieu, c'est quoi? C'est vendredi soir là, que vous allez recevoir les Marquis de Jonquière. Quand est-ce le début de saison plutôt difficile, les Marquis? Et par la suite, vous allez jouer à Jonquière samedi. Dimanche. Dimanche à Jonquière. Ouais, on a un nom à nom contre les Marquis. C'est la seule équipe qu'on n'a pas vue encore là, depuis le début de la saison. Oui, on peut-être un lent début, mais on sait que les Marquis vivent beaucoup sur leur gros nom. Là. Une très bonne équipe quand même. Ils sont peut-être plus jeunes cette saison, là, qui retarde un petit peu le début de saison. Sauf que c'est une équipe à respecter, c'est certain. Dirigée par Bob, ils ont une grosse victoire de 7-2 contre les Adelons dimanche passé. Là. Fait que je pense qu'ils sont revenus sur la bonne voie et ça va être une équipe à prendre au sérieux, c'est sûr. Ben effectivement, les Marquis-Jonquière, c'est la respectabilité. Là. Bob Desjardins, c'est un vieux de la vieille, donc il faut s'attendre quand même à ce que ça remonte pas mal. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui, Danny. OK, donc Guillaume, on s'en reparle la semaine prochaine. On rappelle que cette chronique est une commandite de Autobus Véro de Saint-Félicien.